mon poids. Les rébats de nation, retirés dans la société. L'obouin de nos cailles, mais il y a encore plus mieux. L'obouin dans la rue, la police met tes pieds. Nous reprenons de l'huité, les baguins doivent méchants. Elle fait quoi dissous, il t'en couille au petit monde petit. Les jeux finis clairs, il m'en dit qu'il m'en dit mes nénis. Moi dis c'est prospère, moi t'es ouais que t'as pour rien. La police met tes pieds, nous reprenons de vite, les baguins doivent méchants, les filles quoi dissous, ils t'accouillent du monde petit, les yeux finis clairs, ils m'ont dit qu'ils m'ont dit menéni, moi dis c'est prospère, moi dis ouais que t'as pour aimer. D'après chapitre clairin, verset 10 livre. Celui qui ne mâche pas la bouteille, ou pas fait pour là. Selon verre, selon gros goût. Même si on bat ou l'engodé, c'est quoi pas ou. Même si pas au tabac ou non cuit, encore plus mieux. Affaire clairin, son paquet à faire. Nous, nous, qui jeunes garçons, qui marchent pour clairin. Vous êtes capable de prendre en bonne condition. À la minute que vous prenez en mauvaise condition, il n'y a pas l'autre côté pour le mener. Vous apprêtez comme ça tout bonnement. Vous êtes en droit de venir gros. Petit dada ou à venir plat. Petit coup à venir fin. Tête ou à venir gros. Cheveux commencent à venir soir. Petit cerveau commence à venir carré. S'entendez-vous, ou bon pour ça. Ça, c'est là où vous prenez en mauvaise condition. Mais là, pour quoi vous bien? C'est l'autant de bien manger, ou bien bien. L'autant de pinesse, pas mandé ou. L'autant de nos fauteuils, n'importe qui qui a passé le gars pour dire oh oh, gardez quoi son bâche, ah non. Ça, c'est l'autant de bien. Nous, groupe Jean Jean Galien, son bon pharmacie, dans le portail Léogan. Après médicaments, vous pas fait. Mais docteur Presque nous dit, pour prendre médicaments, toujours prendre un petit cuillère. Mais n'est-ce pas ça, vous faites. Vous prenez un petit verre pour aller. divers mains sous côté, divers machins de pistache. Très peu, mais très souvent.